qu'importe l'expérience, la jeunesse s'efface comme l'ignorance. Le temps apprend, apporte la connaissance. Se déroule sur ma vie qui s'écroule, et sans l'ombre d'un espoir, me perds dans le noir. J'ai oublié toutes ces années, mon enfance est passée. Le destin de cette vie se termine dans la nuit. Fin de parcours. Mes pensées m'abandonnent.